mademoiselle. En vous offrant jeune et sage beauté, ce modèle de patience, je ne me suis jamais flatté que par vous de tout point il serait imité, s'en serait trop en conscience. Patiente que celle dont ici je relève le prix serait partout une chose étonnante, mais ce serait un prodige à Paris. Paris, ville où les femmes sont souveraines. Paris, qui n'est habitée que de rêves. Paris, ville où les femmes sont souveraines. Paris, qui n'est habité que de rêves. Mademoiselle, modèle de patience. Mademoiselle, modèle de patience. Ce n'est pas que la patience ne soit une vertu des dames de Paris, mais par un long usage, elles ont la science de la faire exercer par leur propre mari. Mademoiselle, modèle de patience. Mademoiselle, modèle de patience. Mademoiselle, modèle de patience. Mademoiselle, modèle de patience.